4. Je n'ai pu m'empêcher de pousser un cri. Le travail de modelage atteignait une telle perfection qu'il donnait à croire qu'une tête guillotinée avait échoué là pour satisfaire aux caprices d'un bourreau collectionneur. Mon malaise était si évident que Gary a lâché, avec diplomatie, « Il fait trop chaud ici, il ne faut pas s'attarder. L'odeur de la cire ramollie est vite incommodante. » Je l'ai suivi en essayant de recouvrer mon calme, mais la surprise avait été rude. Elle venait confirmer que ma mère et Sawana avaient entretenu des liens étroits et que la romancière l'avait jugé assez digne d'intérêt pour en faire le personnage de l'un de ses romans. Lequel ? Me faudrait-il lire ces 22 bouquins pour déterminer sous quelle identité imaginaire se dissimulait Anne Katz ? Les romans de Sawana Warlock étaient-ils des romans à clé ? Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir car Gary avait ouvert une autre porte. Cette fois, la pièce empestait la viande faisandée. Une puanteur de boucherie mal tenue, pourtant elle était vide. J'ai amorcé 3 pas prudents. Des taches sombres maculaient le plancher. Du sang séché en flaques et pointillés. Un grand établi occupait le mur du fond. Sa surface était constellée d'éraflures, d'entailles. J'ai pensé, billot de boucherie. À part ce meuble, la pièce était nue. J'ai repéré plusieurs râteliers d'armes et de coutellerie, vides eux aussi. Toutefois, en certains endroits, les parois présentaient des impacts de balles. C'était la chambre d'expérimentation à Marmonégari. Sawana s'entraînait à tirer et à poignarder des quartiers de viande ou de gibier sauvage que je me procurais auprès des chasseurs locaux. Vous voulez dire qu'elle massacrait des animaux morts ? Ouais, je sais que ça peut sembler malsain, mais c'était dans un but de documentation. Elle tenait à savoir ce que ça fait de trancher une gorge, d'enfoncer une lame dans un corps. Vous voyez, elle était perfectionniste. Elle voulait voir l'aspect des blessures, tout ça. Je reconnais que, même moi, ça me mettait mal à l'aise. Mais c'était une artiste. Elle ambitionnait de coller à la réalité, ne pas imiter ses collègues qui, la plupart du temps, parlent de ce qu'ils ignorent. Son ambition était d'inventer le moins possible. Et que devenait la viande au terme de ces expérimentations ? Si elle était encore bonne à consommer, je la donnais aux vieux qui squattent les maisons abandonnées autour du lac. Il y a beaucoup de pauvres ici, des malheureux qui ne touchent pas un centime de retraite. La barbaque faisandée, je la balançais dans le désert. Les coyotes et les urubus s'en chargeaient. Ils ne sont pas difficiles. Elle entreposait donc ici tout un arsenal. Pourquoi n'y a-t-il plus rien ? Quand elle a disparu, les flics ont perquisitionné. Ils ont emporté les couteaux, les flingues, au cas où ils auraient pu servir à l'assassiner. Ils ne les ont jamais rendus. Bon, on continue. Il y a encore beaucoup de pièces comme ça. Juste 2. La troisième, elle a surnommé la chambre d'imprégnation, mais aussi le vestiaire des morts. Tout un programme. Ok, allons-y. Le troisième réduit empestait le vieux chiffon. L'odeur particulière des friperies remplies de fringues défraîchies, démodées, dont la plupart ont été récupérées dans les poubelles, puis rapidement désinfectées à la vapeur, avant d'être remise en vente pour quelques dollars. Un fauteuil club occupait le centre de la pièce, fatigué, scarifié en mains endroits par les griffes d'un chat. 3 portants à roulettes le cernaient. Sur chacun d'eux, des vêtements pendouillés sur des cintres. Encore une fois, les deux sexes étaient représentés, à ceci près que les vestes, les robes, les chemises étaient déchirées et maculées de sang séché. C'est quoi ce délire ? Ai-je grogné car je commençais à en avoir ma claque de ce carnaval ? Le cinéma des artistes m'a toujours agacé. toutes ces frusques ont été portées par des types ou des nanas qui ont péri de morts violentes, a marmonné Gary. Sawana se les procurait auprès de policiers ripoux qui les récupéraient dans les cartons de pièces à conviction des affaires classées. Crimes passionnels, règlements de compte, il y a de tout. Et qu'en faisait-elle? Elle les enfilait et s'installait dans ce fauteuil. Elle s'imprégnait de l'énergie résiduelle emmagasinée dans les étoffes. Elle prétendait qu'une partie de l'âme des morts restait prisonnière des vêtements qu'ils portaient à l'instant fatidique et que ça lui permettait de communiquer avec eux, de savoir ce qu'ils avaient ressenti. Elle croyait à ce genre de truc. Elle avait des côtés mystiques. Parfois, elle entrait en transe et se mettait à parler toute seule. Ça me flanquait la trouille. Et vous, qu'est-ce que vous en pensiez? Je pense qu'elle avait besoin de ce rituel pour se mettre en train. Je ne sais pas si elle y adhérait vraiment, en fait. C'est un peu comme les mecs qui m'attendent tous un film porno avant d'aller baiser Bobonne. Sans ça, elle n'aurait pas réussi à écrire. Ça, c'est certain. J'ai effleuré de l'index les habits maculés suspendus au portant le plus proche. C'était une robe blanche, cisaillée au niveau de l'abdomen comme pour une éventration. Le sang l'avait teinte en rouge depuis la taille jusqu'à l'ourlet du bas. J'ai essayé de me représenter Sawana, enfilant cette horreur à même la peau et rêvassant dans son fauteuil couturé de cicatrices. Il y avait de quoi en avoir la nausée. Les flics ne les ont pas emportés, me suis-je étonnée. Non, je suppose qu'ils ont pigé la combine et qu'ils ont préféré fermer les yeux pour éviter à leurs collègues d'avoir des ennuis. Si on finissait, ai-je proposé, on visite la dernière chambre. Gary m'a fait signe de le suivre. Il affichait une expression lasse, dépitée. Peut-être avait-il espéré que je fasse montre d'un enthousiasme plus flagrant. Je me demandais s'il avait été dupe des excentricités de Sawana ou s'il avait joué le jeu consciencieusement pour ne pas la froisser. Au reste, y croyait-elle elle-même? Il a ouvert une dernière porte dévoilant un escalier qui plongeait dans la terre. La cave, me suis-je étonnée. Elle écrivait dans la cave? À cause de la chaleur, sans doute. Elle y était au frais. Attendez de voir, a soupiré Gary. C'est plus compliqué. Effectivement, ça l'était. Après avoir descendu une cinquantaine de marches, nous nous sommes retrouvés devant une porte blindée, entrebâillée sur une cellule grise, triste à pleurer. Ayant jeté un coup d'œil au battant, j'ai vu qu'il était doublé de plomb. Attendez, ai-je hoqueté, je n'y crois pas. C'est un abri anti-atomique? Ouais, a consenti à admettre l'ancien biker. Mais il était déjà là lorsque Sawana a acheté la baraque. Il date de l'affaire des missiles de Cuba, quand l'Amérique tout entière se préparait à la guerre nucléaire avec les Ruskov. En 1961, ou quelque chose comme ça. Toute la population avait viré parano. Les mecs transformaient leur piscine en abri anti-aérien. C'était la panique générale. J'ai franchi le seuil et je me suis retrouvée dans une salle d'aspect militaire. Un bureau métallique gris, une chaise, un lit d'une personne. Des WC en inox, comme dans les prisons, à côté d'un lavabo du même métal. Tout un pan de mur était occupé par des classeurs numérotés grimpant jusqu'au plafond. Les archives, a commenté Gary. Tous ces manuscrits, ces brouillons. Sa correspondance. Vous pourrez les étudier si ça vous chante. Chose étrange, les quatre murs et le plafond étaient recouverts d'un film d'aluminium. Et ça, ai-je demandé, ça servait à quoi? Gary s'est agité avec gêne. J'ai cru une seconde qu'il allait tourner les talons et me planter là, mais il a consenti à murmurer. Vers la fin, elle avait plus ou moins perdu les pédales. Elle s'imaginait des choses. Comme quoi? Elle avait viré parano. Elle était persuadée qu'on lui volait ses idées, que l'un de ses confrères avait acheté les services d'un télépathe russe qui se planquait à proximité, dans une caravane, et que le gars lisait ses pensées à distance, lui piquant ses trouvailles. Alors elle m'a demandé de tapisser l'abri avec du papier d'alu. Pareil que ça arrête les ondes. Elle n'osait plus sortir de la cave. Je devais lui descendre ses repas. Elle était dans un sale état, passant de l'exaltation à la déprime suicidaire. Et il n'y avait que la gamra qui la calmait. Elle fumait beaucoup, elle écrivait sans relâche, des fois 15 ou 16 heures par jour. De quoi souffrait-elle réellement? Je n'en sais rien. Elle ne voulait pas consulter de toubib. Elle disait que les calmants allaient détruire ses facultés créatrices, la changer en légumes. Mais d'après ce que j'ai pu voir ici, parmi les vieux qui végètent aux alentours, je pense qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Tout cela était plutôt triste en vérité, et j'ai regretté d'avoir accepté ce dossier. D'autant plus que je voyais mal comment redonner du lustre à cette maison des horreurs sans la priver de sa singularité. Qu'est-ce que l'exécuteur testamentaire entendait par « remise en état » Désirait-il que je transforme ce château hanté en hôtel de caractère susceptible éventuellement d'attirer les vacanciers? Ce qui aurait été, bien sûr, une manière de le rentabiliser, à condition toutefois que les dits vacanciers ne soient pas trop regardants sur l'environnement immédiat et les poissons crevés. « On remonte ?» a proposé Gary. « Je vous ai préparé des chambres au premier étage. Elles sont propres et les toilettes fonctionnent. Comme la climatisation est morte, j'ai mis des ventilateurs. Faites comme chez vous. Il y a de la bouffe dans le frigo de l'office. Vous pouvez fouiller dans les papiers si ça vous inspire. Mais vous ne trouverez pas de photos. Sawana avait horreur d'être photographiée, elle se trouvait laide. Je vous fais confiance. J'ai passé de bons moments ici. Ça m'embêterait que la baraque soit rasée. » Je l'ai suivi en silence jusqu'à mes appartements. La pièce était vieillotte mais nickel, équipée d'un lit à baldaquin. On se serait cru dans « Autant on emporte le vent ». L'ennui, c'est que je ne me voyais pas dans le rôle de Mlle Scarlett.